Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Centre de l'Universalité. À mon tour, je m'appelle Daniel Bolduc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voici, on va faire une petite présentation un petit peu inhabituelle de Daniel Kemp. On qualifie de Daniel Kemp de toutes sortes de façons. Un briseur de forme, un érudit spécialisé en ésotérisme, un scientifique nouveau, un conférencier dur et froid, féru de connaissances, bref, quelqu'un qui répond à tout, mais d'une manière complètement différente, ce qui désoriente tout le monde, ou oriente tout le monde, ça dépend. Daniel Kemp, c'est d'abord un personnage qui traite et se préoccupe au plus haut point et le plus fréquemment possible des conditions humaines, recherché par son approche intelligente et sa perception globale, il est placé dans le très petit nombre de personnes qui savent lire et voir l'information, cette information, bien sûr, vulgarisée avec une écologie. Le mystère des secrets de Fatima. On en vient au sujet. On fait la plupart du temps référence à la troisième révélation, supposément. C'est ce qu'on appelle le secret de Fatima. Un secret qui a fait parler beaucoup et qui a mis dans l'embarras beaucoup d'autorités ecclésiastiques et d'autres types d'autorités. Et ce, jusqu'à maintenant, bien sûr, tout le monde veut savoir, tout le monde aimerait savoir. Un secret, est-ce qu'on veut vraiment le révéler? Est-ce que c'est une stratégie de ne pas le révéler? Peut-être que Daniel Kemp a-t-il une révélation fracassante? En tout cas, on va le savoir si on invite Daniel Kemp de venir nous entretenir sur le mystère des secrets de Fatima. Eh bien, pour ne pas faire comme d'habitude, t'es en train de noyer ça. C'est drôle, t'es le seul intervieweur qui revient à son verre à cette vitesse-là. Alors ce soir, je vais vous mettre un peu, apporter quelques indices ou quelques éléments qui vont faire soit partie de la conférence ou au choix de Daniel de développer certains éléments. Mais je vais faire un portrait, ça va prendre quelques minutes, le plus rapidement possible. Les trois personnages concernent le Fatima, c'est Jacinthe Marteau, Francisco Marteau, son frère, Lucia dos Santos, la cousine, qui dirige le petit groupe. Le 13 mai 1917, l'apparition. La première apparition coïncide, d'après des relevés internationaux, avec le pillage des bolcheviks d'une église en Russie. Ça veut dire le début des révolutions. La deuxième apparition, c'est l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale. La troisième, si la Russie se convertit, il y aura la paix. C'est ce que Marie dit dans ses apparitions. On va sauter la sixième. Annonce de la fin de la Première Guerre, étant donné que ça s'est passé dans l'année de 1917. Le tout des apparitions, bien sûr, est accompagné de toutes sortes d'autres éléments, dont celui le plus important, sur lequel la Vierge insiste, c'est de réciter le chapelet tous les jours. Vous avez connu le rosaire? Ça a débuté là. En 23 ans après, en 1940, le pape Jean XXIII ouvre, à la date prescrite, le pli scellé de Lucia, qui est devenue carmélite, et le pape refuse de divulguer le contenu du fameux secret. Il dira, par contre, dans ses commentaires, « Le retour du Christ est proche. »